Exercice 3, page 131. A. Fa. Va. B. Faux. Vaut. C. Fou. Vous. D. F. Ève. E. Sauf. Sauve. F. Neuf. Neuve.